notre génération, la génération Y. C'est la génération des branleurs qui savent utiliser un ordinateur. C'est la génération électronique. C'est une génération de laquelle on attend beaucoup de choses. C'est la génération connectée, on va dire. Je pense que notre génération, elle est plus ouverte d'esprit dans beaucoup de points. Parce que les réseaux sociaux ont quand même rapproché les gens, mais ça a aussi créé une espèce de, je sais pas, d'atmosphère bizarre où tu peux être, tout le monde peut se joindre en permanence. Si tu réponds pas, t'es un peu écarté, enfin. Que les réseaux sociaux, ça nous prend tellement de temps. Et c'est peut-être un peu bête, mais d'énergie. On passe des heures sur Internet avant d'aller se coucher, tout ça. Et du coup, je pense que le matin, déjà, t'es complètement à l'ouest. Et du coup, on est fainéant. Nouvelles, bah, c'est les téléphones, toutes ces inventions digitales, peut-être que ça peut nous rendre stériles. Ouais, notre génération, elle est chouette, quoi. On est des merdes, mais on se fait aussi avoir par les outils les médias actuels. Je pense que notre génération, on a de la chance parce que on était les premiers. Du coup, on n'est pas non plus trop plongé là-dedans. On a commencé avec, mais j'ai l'impression que maintenant, la génération d'après, les 2000, etc., là, c'est trop, c'est trop. Ils vivent plus la réalité, quoi. Ils sont entièrement sur les réseaux, quoi. Là, c'est poussé trop loin. Donc, je pense que ça a du mal commencer à évoluer. Mais c'était bien au début, je pense. T'as besoin de likes, t'as besoin de. Voilà, que ta page soit visitée et autres. Les gens, peut-être avant, ils étaient plus débrouillards. Alors qu'aujourd'hui, bah, nous, vu qu'on peut avoir des réponses à tout assez facilement, tu vois, on cherche un peu sur Internet ou trucs comme ça. Et puis, peut-être on a un peu moins d'efforts sur certaines choses, tu vois. Je pense pas que les réseaux sociaux ont influencé ma manière d'être. De voir que les rapports et les interactions sociales, d'humain à humain, sont réduites Okay. à celles d'un putain de smartphone. Voilà. C'est pas notre vraie vie ce qu'on poste, c'est tout est un peu amélioré et modifié. Parce que nous, on nous lance toujours la pierre, mais en fait, c'est qui nous laisse la société comme elle est aujourd'hui? C'est aussi nos parents et nos grands-parents. Déjà, il n'y avait pas de téléphone, j'avais pas Internet. Avant, ils avaient le temps de s'ennuyer. Quand tu t'ennuies, ben, tu crées des trucs, tu inventes des trucs et tu commences à pousser un peu ta réflexion, ton imagination et tout. Alors que quand tu es posé chez toi et que tu n'as rien à faire, ben, à la place de sortir, de te promener, d'aller au bord du lac et de réfléchir un peu à plein de trucs, bah tu vas juste ouvrir ton ordi et mater une série. Et rester un moment sur Instagram. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je dirais qu'on est paresseux et fainéants. Après. Si par exemple il y a trois personnes en face de moi qui sont sur leur smartphone, bah, moi je vais avoir tendance à le sortir aussi. Alors que c'est pas forcément bien, entre guillemets, quoi. Non. Mes parents, ils étaient plutôt contre, du coup, ils évitaient vraiment de nous mettre face à la télé, face au PlayStation, ou un truc comme ça. On est obligé d'être un peu polyvalent dans différents domaines pour avoir l'espoir de trouver un travail. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun souci à ce qu'un homme genre, bah, genre, il fasse des tâches ménagères ou des trucs comme ça. Alors que pour la génération bah, vraiment de mon père, genre, lui, c'était vraiment genre, catégorisé. Les hommes, ils bossent, ils font rien à la maison. Et les femmes, c'est les femmes au foyer qui font tout, tu vois, et qui bossent pas. Des fois, on a des amis, mais on les a jamais vus, c'est juste Instagram ou. J'avais cette idée que si je voulais réussir ma vie, il fallait que je fasse des études universitaires. Ouais, je suis un peu la pensée parce qu'on vit à travers les réseaux sociaux, mais surtout l'allongement que le smartphone est dans notre main, quoi, tout le temps. On passe trop de temps devant ces trucs. C'est clair, on est méga impatient. Déjà, tu regardes la différence quand on est dans le tram et qu'on n'a plus de batterie, on se fait chier, quoi. Ça nous projette dans des dans des retranchants qui sont assez terribles, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin de se comparer à l'autre, ou alors à la dernière star de la télé-réalité, etc. Et je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout pour ça. Je pense que c'est arrivé tellement vite que personne n'était préparé à ça. On met beaucoup ce que les gens ont envie de voir de nous et pas du tout ce qu'on est vraiment. Et... Ouais, pas des fainéants, mais je dirais un peu des accros. J'aurais plus ce mot-là, moi. Genre, dans le bus. Bon, la génération de nos parents, ils sont mis tout autant accros que nous au smartphone, tu vas me dire. Ouais, je pense qu'on est un peu plus fainéants qu'avant. Mais je pense que c'est parce que c'est assez dû par rapport aux inventions aussi des smartphones où en deux clics tu peux avoir ce que tu veux. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Vu que tu vas sur les réseaux sociaux aussi pour voir la vie des autres, t'as une espèce de jalousie envers la vie de tout le monde, tu vois. Genre tu te demandes, putain mais attends, moi aujourd'hui je suis resté en calmar planté chez moi et le seul truc que j'ai fait c'est mettre un jogging pour aller chercher des chips à la COP, alors que ton pote, tu regardes, il a fait 50 km en courant, il a monté le salève, il a vu trois fois un coucher et un lever du soleil, il a tout fait, et toi t'es là genre comme une merde chez toi, du coup forcément toi tu vas pas le poster, ça, ta vie de merde, ouais. Et du coup bah c'est... Ouais, du coup ça, t'as l'impression de rien faire en fait. Centré sur lui-même, un petit peu trop pollué, un petit peu trop égoïste. Mais je pense que c'est naturel de critiquer la nouvelle génération et ça se fait depuis la nuit des temps. La classe d'âge de 18-22 ans, c'est les fainéants, les criminels, les branleurs, les fauteurs de troubles de la société. C'est toujours la même chose, ça. Mais ça, c'est intemporel, ça changera jamais. Je veux dire, c'était le cas il y a 50 ans, c'était le cas il y a 200 ans, ça sera toujours le cas, c'est sûr. Rien que tu vois, quand typiquement t'es en voyage ou même au concert et tout, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à vouloir filmer, prendre des photos, des trucs comme ça, que de vivre l'instant présent, ça c'est sûr. Et c'est aussi des trucs que j'entends typiquement mes grands-parents, même mes parents, genre qui nous critiquent par rapport à ça, et ça je pense qu'on l'est plus. Après, je pense qu'on n'est pas non plus dans l'excès total, mais... En même temps, on te donne le choix de plus avoir à faire un effort. Je veux dire, tu t'aurais donné ce choix à des gens en 1930, ils l'auraient pris, quoi. Pour moi, l'humain, il reste le même dans n'importe laquelle de ces situations, ça reste un humain, on est tous nés pareils. Tout le temps en stimulation constante, je sais pas si c'est ça que tu veux dire un petit peu, mais t'es jamais vraiment à l'arrêt, t'es jamais en pause. Ouais. Que les idées circulent beaucoup plus vite, les gens ont plus de facilité à les défendre. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y avait une grosse ouverture d'esprit dans la fin des années 60-70, dans les révolutions, Flower Power, tout ça. Et en fait, si tu regardes, on est en train de revenir à une ère de très politiquement correcte. On est une génération qui ne se sent pas forcément acceptée dans la vision du travail qu'a la société. Il faut être le meilleur, il faut avoir le plus de likes. Chacun est un peu dans sa bulle, quoi. La distraction du téléphone, elle est assez imposante aujourd'hui. Et puis, je pense qu'elle crée beaucoup de problèmes d'inattention. Et je crois qu'on a plus l'habitude de s'arrêter et rien faire pendant un an, une heure et demie. Ou 2 heures, et qu'on a toujours envie de faire quelque chose, on a envie que ça bouge, quoi. Parce que finalement, tous ces réseaux sociaux amènent à une certaine forme de documentation de notre vie, et j'ai presque l'impression que maintenant, la plupart des gens agissent en fonction de ce qu'ils vont raconter sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont pas penser, enfin, ils vont pas faire ça instinctivement, ils vont tout de suite penser à... « Ah, il faut que je fasse cette photo, il faut que je la raconte au monde entier. » Du coup, les gens étaient plus patients. Nous, maintenant, on a trop l'habitude que ça tombe tout droit dans la main. Mais de nos jours, la génération d'avant devrait comprendre que les choses ont changé. Du coup, changer leur manière de faire. qu'on est dans une génération où il faut toujours montrer qu'on, pas qu'on est mieux que les autres, mais qu'on est bien. L'espèce de petit luxe auquel on s'habitue, de pouvoir tout avoir dans sa poche. C'est très facile de manipuler ton image sur les réseaux. Très facile. Et je trouve que en fait, du coup, t'as un peu, y a une ouverture d'esprit qui se fait, mais une fermeture en même temps. Enfin, je trouve que c'est assez particulier. Parce que vu que les idées circulent plus vite, bah, d'un côté, ça aide l'ouverture d'esprit. D'un autre côté, bah, les idées qui étaient peut-être un peu extrémistes et cachées dans un coin, elles sont aussi plus de facilité à se propager. Parce que d'un côté, toutes les applications qui ont été créées, toute la technologie qui a été créée, finalement, elle nous a tellement poussé à se centrer sur nous-mêmes. Typiquement, quand on est au restaurant, quand on regarde les tables, elles sont toutes sur nos téléphones en train de lire des trucs. Dès qu'on ne sait pas, on va regarder au lieu de profiter de l'instant présent, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, tu te dis, tu vas voir un concert et puis tu as 50 téléphones, les gens ils regardent à travers leur téléphone au lieu de regarder le concert. Et finalement, tu n'es jamais dans l'instant présent. Et du coup, tu montres que le positif de toi-même. Et c'est tellement simple, en fait, sur un réseau social, de s'inventer une vie et d'être d'un coup quelqu'un qu'on aimerait être et qu'on sera peut-être jamais. Tu dois tout le temps être prêt à te prendre en photo et du coup, t'es plus... Ouais, tu fais attention à ton image tout le temps, quoi.